Chapitre 2e. 15 jours après, Hyacinthe, prévenue par un billet de Madame de Coulaines, endossait sa redingote noisette et se rendait à la station de Viotte pour y attendre ses cousines qui devaient débarquer par le train de 5 heures. On entrait en avril, mais comme il arrive fréquemment dans ce bon pays du Barrois, le renouveau débutait mal. Un vent du nord-ouest chassait dans le ciel de gros nuages noirs qui de temps à autre crevaient en giboulées sur la ville. Les gouttières des chéneaux, inondées par ces brusques averses, débordaient bruyamment sur les dalles des trottoirs et dans les jardins du quai des Gravières, les pruniers en fleurs avaient l'air de grelotter sur leurs blanches toilettes de printemps. Hyacinthe, tout en se morfondant près de la barrière qui le séparait de la voie, avait fort à faire pour abriter sa redingote sous un vaste parapluie d'alpaga marron. Un long sifflement arriva enfin du fond de la vallée à travers la rafale, et peu après, le train haletant et fumant s'arrêtait sous la marquise de la station. 10 ou 12 paysans descendirent d'abord des wagons de 3e classe, puis 2 dames à la tournure jeune sortirent d'un compartiment de 1ʳᵉ. L'aîné des Lafrogne, qui de sa vie n'avait voyagé qu'en 3e, regardait avec stupéfaction ces 2 belles dames à l'élégante toilette noire, et ne pouvant croire qu'elles fussent les 2 parents pauvres qui l'attendaient, examinait encore s'il ne se trouvait pas sur le quai d'autres voyageuses répondant au signalement. Mais tout le monde était bien descendu et on refermait déjà les portières. Les 2 dames, relevant leurs jupes, hésitaient à quitter la marquise, et leurs regards inquiets semblaient chercher quelqu'un sur la chaussée où la pluie clapotait. Hyacinthe prit son grand courage, s'approcha en secouant son parapluie ruisselant, et s'adressant à la plus âgée, demanda timidement si ce n'était pas Madame de Coulaines qu'il avait l'honneur de parler. Puis en rougissant, il ajouta « Je suis Hyacinthe Lafrogne. »« Oh, mon cher cousin !» s'écria la dame avec volubilité, « que je suis aise de vous voir. Mais quel temps, dites-moi, nous sommes déjà trempés. » Elle l'embrassa sans façon et lui présenta sa fille Laurence. Celle-ci, à demi aveuglée par la pluie qui fouettait ferme, lui tendit la main, tandis que ses 2 grands yeux noirs lorgnaient curieusement la figure falote de ce singulier cousin. « Quel temps ? » répéta Madame de Coulaines. « Laurence, occupe-toi de nos caisses. » On entra dans la salle des bagages. Ces dames en avaient à elles seules une charretée. Hyacinthe contemplait d'un air effaré cet empilement de malles et de sacs de voyage. « Avez-vous une voiture, mon cousin ?» demanda Madame de Coulaines. « Une voiture, non ? Mais j'ai amené avec moi notre garçon Césarin, qui transportera vos colis sur sa brouette. Quant à nous, ma cousine, nous pouvons partir à pied. » « À pied, il pleut à verse !» s'écria la dame en regardant le ciel ruisselant. « Oh, ce n'est qu'une albasse, une giboulée !» balbutia humblement Hyacinthe, « et nous ne demeurons pas très loin de la gare. » Il donna ses instructions à Césarin, puis, rouvrant son large parapluie, il offrit le bras à Madame de Coulaines et l'on partit. Laurence, mal abritée sous son entouka, les suivait en sautillant de pavé en pavé, et de temps à autre jetait un regard mélancolique sur la boue qui mouchetait ses souliers Molière à hauts talons. Ils traversèrent ainsi toute la rue entre 2 ponts, dont les boutiquiers, assis derrière leurs vitrines, examinaient sournoisement les 2 parisiennes escortées par l'aîné des Barbeaux. « Nous voici chez nous, » dit enfin Hyacinthe, en heurtant la porte, la rue du Bourg. Catherinette était accourue au coup de marteau. Lafrogne introduisit dans le vestibule ses parentes, qui secouèrent sans façon leurs jupes trempées sur le carrelage blanc et noir, scrupuleusement lavé et frotté chaque jour par la vieille servante. Droite dans sa robe de laine et sous son bonnet de linge à grand tuyau, Mademoiselle Lénette, accourue pour souhaiter la bienvenue à ses nièces, se tenait sur le seuil de la salle à manger. Ses yeux gris perçants dévisagèrent les 2 parisiennes, sans qu'un trait de sa physionomie prudente et froide révélât ses impressions. Elle embrassa gravement la mère et la fille et reçut sans sourciller leurs bruyantes accolades. Puis, comme Césarin venait d'arriver avec les mâles, elle engagea les 2 voyageuses à monter dans leur chambre afin de changer de vêtements. L'appartement réservé à Madame de Coulaines et à sa fille était situé au 1er, sur la rue en face de celui où couchaient Mademoiselle Lénette et Germain. Il se composait d'une grande pièce, désignée par les maîtres du logis sous le nom de la chambre verte, et d'un cabinet contigu où la tante serrait ses robes et emmagasinait ses conserves. « Voici votre chambre, Rosine, » dit Mademoiselle Lénette en poussant la double porte du palier, « et voici la vôtre, mamie. » ajouta-t-elle en désignant à Laurence la porte vitrée du cabinet. « Vous resterez avec nous jusqu'à ce que vous puissiez vous installer dans le logement que Germain a retenu. Maintenant, mettez-vous à votre aise, et si vous avez besoin de quelque chose, appelez Catherinette. » Césarin venait de déposer en soufflant le dernier colis sur le parquet. Il redescendit avec la tante Lénette. « Ouf !» dit-il en passant à Catherinette. « On ont-elles emporté des affûts du haut aux Parisiennes ? J'en avais ma charge, vrai !»« Tout ça, c'est des arias !» grogna la vieille servante, qui essuyait en rechignant le carrelage boueux du vestibule. Pendant ce temps, Madame de Coulaines et sa fille, dépaysées comme des oiseaux qu'on a changés de cage, restaient gelées et immobiles au milieu de la chambre verte. Austère, glaciale, sans feu, sans tapis, sans bourrelet aux portes, avec ses murailles tendues de verdure, sa glace en deux morceaux, ses fenêtres drapées de maigres rideaux de damas fané, cette pièce leur faisait froid dans le dos. Laurence, assis sur sa malle, considérait d'un œil morne la file des petits ronds de sparterie verdâtre qui allait de la porte d'entrée à celle du cabinet, comme pour indiquer aux pieds des autres qu'il ne fallait se poser que là, afin de respecter le paraître ciré et luisant comme un miroir. Elle inventoriait d'un air de pitié les fauteuils de paille, les vases de fleurs artificielles, la toilette en forme de trépied antique, le guéridon massif avec un dessus de marbre où s'étalait un sucrier de cristal taillé et la carafe pareille. Tout ce luxe peu hospitalier des Lafrognes avait pourtant arraché la veille une exclamation admirative à Germain lorsqu'il était venu jeter un coup d'œil sur les apprêts de Mademoiselle Lénette. « Sarpe-jeu, ma tante » s'était-il écrié. « Vous avez bien fait les choses. Elles seront logées comme des princesses. » À voir leur mine dédaigneuse, elles ressemblaient en effet à des princesses, mais à des princesses exilées de leur royaume et regrettaient amèrement leur nid douillet et capitonné de la rue du Bac. « Bon !» soupira Laurence en secouant ses épaules. « C'est un tombeau que cette chambre. Nos cousins ne font-ils donc jamais de feu ?»« Que veux-tu ?» reprit sa mère. « Ce sont les habitudes parcimonieuses de la province. Nos cousins sont fort riches et ils ne dépensent pas leurs revenus. » « On s'en aperçoit, » dit la jeune fille. « Je suis gelée et je n'aurai jamais le courage de m'habiller. » À la fin, surmontèrent pourtant l'engourdissement qui les clouait sur place. Le sentiment des convenances, joint un réveil de coquetterie, les poussa à ouvrir leur caisse et à procéder minutieusement à leur toilette. Laurence, qui venait de quitter le deuil, remplaça son costume de voyage par une jolie tunique de velours anglais à deux tons avec les manches et la jupe de soie pareille. Madame de Coulaines tira du fond de son coffre et revêtit une élégante robe de faille noire. Tous ces apprêts prirent du temps, et quand les deux voyageuses descendirent, il était 7 heures, le souper était servi. Mademoiselle Lénette s'impatientait, et Germain, qui rentrait de la chasse, affamé, commençait à grogner contre les retardataires. À la vue de leur cousine, vêtue comme pour une fête, les deux barbeaux échangèrent avec Mademoiselle Lénette des regards effarouchés. Germain salua gauchement et la tante s'écria. « Vraiment, ma nièce, vous avez eu tort de faire des frais de toilette. Avec nous, il faut agir sans cérémonie. » « Je vous assure, ma tante, » répliqua Madame de Coulaines, « que telle n'a pas été notre intention. Nous sommes habillés comme à notre ordinaire. » « À leur ordinaire. » Les deux frères en étaient presque suffoqués. Ainsi, ces toilettes à Tralala étaient leurs vêtements de tous les jours, et ils voyageaient en première. « Il n'est pas étonnant, » pensait-il, « qu'en vivant de la sorte qu'elles aient mangé leur dernier sou. » Quant à Mademoiselle Lénette, elle était souverainement choquée en voyant que sa nièce, veuve depuis un an seulement, portait déjà de la soie, ce qui paraissait scandaleux à Viotte, où les veuves portent au moins pendant 2 ans leur deuil en laine. Dès ce premier soir, les deux Parisiennes furent étiquetées dans son cerveau comme des créatures frivoles et dangereuses, et Mademoiselle Lénette ne revenait pas facilement sur ses premières impressions. On se mit à table. Le souper avait été corsé de quelques plats de supplément en l'honneur des nouvelles venues. Les radis et le beurre dans des bateaux de porcelaine blanche, la rouelle de veau garnie de champignons, le gigot rôti, la salade de barbe de capucin et le gâteau de riz parurent aux deux frères le summum des somptuosités gastronomiques, tandis que Madame de Coulaines et sa fille, imbues de cette idée toute parisienne qu'en province on a de tout à profusion et pour rien, trouvèrent ce menu d'une simplicité voisine de la lésinerie. Au dessert, un fromage de cru, des confitures, une assiette de poire tapée et de cerises séchées au four achevèrent de désillusionner ces dames sur les bonbons de leur cousin de Viotte. La nappe était à peine enlevée qu'on entendit résonner le marteau de la porte d'entrée et que Catherinette annonça M. Nivard, l'ami de Hyacinthe. « Oh, vous avez du monde ?» s'écria le visiteur avant même d'avoir franchi le seuil de la salle à manger. « Je ne veux pas vous déranger, je m'en vais. »« Non, non, entre donc !» répondit le candide Hyacinthe. « Tu ne nous dérangeras pas. Ce sont nos cousines de Paris, mesdames de Coulaines. » Il s'en doutait parbleu bien, malgré ses mines surprises, et la curiosité seule l'avait poussé à venir ce soir secouer le marteau des Lafrogne, afin d'être l'année première dévisagé de près les fameuses cousines. Il se coula discrètement près du poêle, en saluant et en murmurant fort ses excuses. Puis il s'assit juste en face des Parisiennes, qui, de leur côté, examinaient avec une inquiétude mal dissimulée ce singulier spécimen des indigènes de Villotte. Delphin Ivard, célibataire de 48 ans et chef de bureau à la préfecture, offrait en effet à l'analyse une particularité fort originale. Atteint d'une alopécie précoce, il avait la figure complètement glabre. Pas un cil aux paupières, pas un vestige de sourcil, pas un poil de barbe. Sur ce visage rond, blafard et uni comme un œuf, trois détails tranchaient seuls. Une perruque brune, coupant d'une ligne trop précise la pommade du front et des tempes, un nez bourgeonné dénotant une persistante âcreté du sang, et deux petits yeux verts dardant un regard effronté et maladif entre deux paupières clignotantes. À l'aspect de cette face palote et dévastée, on se demandait quelle passion virulente avait ainsi ravagé à blanc l'organisme de ce bureaucrate de province. Nivard passait à Villotte pour un pince sans rire, très friand d'histoires scandaleuses et très mauvaise langue. Sa conversation était malveillante et sa plaisanterie venimeuse, comme si son sang vicié eût fini par communiquer à son esprit une recrudescence de malignité. Dès qu'il fut installé devant Sauveur de Fignolette, il se mit à parler, s'adressant ostensiblement à Madame de Coulaines, qu'il finit par interroger sur les embellissements de Paris. La dame, qui était bavarde, ne se fit pas prier pour répondre. Elle n'était pas fâchée d'éblouir sa tante et ses cousins par les détails des plaisirs de la grande ville et l'étalage de ses brillantes relations. Avec l'étourderie d'une linotte, elle effleurait les sujets les moins canoniques. Les actrices en renom, les spectacles à la mode, les derniers scandales parisiens. Toutes choses qui choquaient beaucoup plus Mademoiselle Lénette qu'elle ne l'émerveillait. La dévote demoiselle hochait la tête en trouvant ce babillage singulièrement déplacé. Hyacinthe rougissait au moindre mot un peu léger. Quant à Nivard, tout en donnant la réplique à Madame de Coulaines, il ne laissait pas de lorgner Mademoiselle Laurence, qui s'était accoudée au marbre du poêle et écoutait la conversation avec une moue dédaigneuse. Les petits yeux égrillards et perçants du chef de bureau semblaient prendre plaisir à se fixer sur cette jolie personne dont le teint blanc, le regard expressif, le profil de médaille s'accusait doucement sous la lumière dorée de la lampe. Les œillades de Nivard se prolongeaient avec une telle insistance qu'elles finirent par agacer Germain, qui, rencoigné dans l'ombre, contemplait aussi sa cousine avec un mélange de défiance et d'admiration. Le sauvage chasseur était ébobi et scandalisé, tout à la fois de l'élégance recherchée de sa mignonne parente. Ses yeux curieux étudiaient timidement les détails de cette toilette de jeune fille, qui lui apparaissait comme l'épanouissement d'un luxe inconnu et raffiné. Les petits souliers mordorés et décolletés laissant voir un fin bas bleu à coins brodés de noir. Le corsage bombé où achevait de se faner un bouquet de violettes acheté à la gare avant de quitter Paris. Le cou bien dégagé et se mouvant avec une grâce aisée dans la blancheur d'un grand col évasé. Les cheveux noirs ébouriffés avec art et retombant sur le dos en longues grappes qu'un ruban cerise nouait à la hauteur de la nuque. Tout cela dégageait un parfum étrange de civilisation mondaine qui intriguait Germain et le troublait. La voix traînante et profonde de la cloche de la tour de l'horloge, sonnant le couvre-feu, interrompit cette périlleuse contemplation et mit fin au babil de Madame de Coulaines. Les habitudes de la maison étaient inflexibles. On s'y couchait et on s'y levait à la cloche du beffroi. Nivard, qui était au courant du régime des barbeaux, prit congé de la compagnie. Les deux frères allèrent faire leur tournée dans les magasins. Mademoiselle Lénette, ayant conduit elle-même ses parentes jusqu'à leur appartement et allumé leurs bougies, les embrassa gravement en leur souhaitant une bonne nuit. Le lendemain, Laurence de Coulaines, réveillée par les voix criardes des laitières qui parcouraient la rue du Bourg, eut un moment d'angoisse et de stupéfaction en ne se retrouvant pas dans sa petite chambre de la rue du Bac. Elle ne savait plus où elle était. Le grain rude des draps, dont la toile était filée chez Mademoiselle Lénette, la rappela au sentiment de la réalité. Elle se frotta les yeux, regarda autour d'elle et poussa un soupir à la vue de son étroit cabinet éclairé par le jour grandissant. Les murs, tapissés de papier gris, étaient uniquement garnis dans toute leur longueur de porte-manteaux vides et de rayons sur lesquels s'étalaient les pots de confiture et les bocaux de conserve de la tante Lénette. Au milieu de cette pièce démeublée, le lit de fer sans rideau, la table de bois blanc servant de toilette et deux chaises de paille formaient un ensemble si pauvre et si peu confortable que Laurence fut près d'en pleurer. Ne se sentant pas d'humeur à paraître dans un aussi triste séjour, elle sauta hors du lit, chaussa ses pantoufles et courut à la fenêtre. Dès qu'elle eut poussé les persiennes, le spectacle du dehors la rasséréna. Un joli soleil de printemps emplissait la rue, jetant des touches rosées sur les sculptures des façades grises et rayant d'éclairs argentés les pavés encore humides. Des jardinières longeaient la chaussée, roulant sur leurs brouettes des charpagnes pleines de légumes et criant d'une voix chantante les panais, les carottes et les choux. En haut, les hirondelles revenues caracolaient dans l'air avec deux petits cris et frisaient de leurs ailes noires les corniches des toits. Aux deux extrémités de la rue, des coteaux de vignes fermant l'horizon découpaient leur terre brune sur le ciel bleu. L'espoir, quand on a 18 ans, ne replie jamais son aile. Il se mit à reprendre l'essor dans le cœur de Mademoiselle de Coulaines, ragaillardie par cette claire matinée de printemps et par la chanson argentine des cloches d'église qui tintait pour la première messe. Elle laissa ses fenêtres entr'ouvertes et, se remuant avec précaution pour ne pas éveiller sa mère, qui aimait à faire la grasse matinée, elle commença gaiement sa toilette. Mais quand elle eut versé dans sa cuvette le contenu d'un pot à eau et d'une carafe, elle s'aperçut qu'elle avait épuisé sa provision d'eau. Habituée à s'inonder d'abondantes ablutions, Laurence fit une moue désappointée en se voyant réduite à la portion congrue. « Quoi ? » murmura-t-elle, « ils économisent même l'eau. » Tant pis, advienne que pourra. Elle était résolue à aller bravement enquérir elle-même une pleine cruche à la cuisine. Elle s'enveloppa dans un peignoir, nouant en une seule torsade son épaisse chevelure qui tombait en moutonnant jusqu'à la souple cambrure de sa taille. Puis elle entr'ouvrit doucement la porte, se glissa dans le couloir, et tout à coup, recula avec un cri effarouché jusque dans sa chambre, dont elle referma précipitamment la porte. Germain était sur le palier. Il projetait d'aller dans les bois de Rambercourt essayer un chien. Il venait de quitter sa chambre, boutonné dans sa veste de chasse et guetté jusqu'aux genoux. Dans l'ombre bleue du couloir, il eut le temps d'apercevoir sa jeune cousine tenant le pot à eau d'une main et de l'autre serrant sur sa poitrine son peignoir attaché à la hâte. Cela dura à peine une seconde. Il entrevit dans un éblouissement un blanc visage éclairé par deux grands yeux noirs au milieu d'un nuage de cheveux à demi dénoués, puis il eut, comme un emboulement de toutes ces choses charmantes, et la vision s'évanouit derrière la porte brusquement close. Le cadet des Lafrogne rougit jusqu'à la racine des cheveux. Fort embarrassé lui-même, il eut d'abord bonne envie de battre en retraite. Puis le sentiment des devoirs de l'hospitalité, peut-être aussi quelque diable le poussant, il hésita, revint gauchement sur ses pas et s'approchant de la porte du cabinet. « Ma cousine ? » murmura-t-il d'une voix étranglée. Profond silence de l'autre côté de la cloison. « Ma cousine, » répéta-t-il en grattant timidement la serrure, « désirez-vous quelque chose ?» La porte s'entrebâilla et une jolie figure, illuminée d'un sourire, se pencha hors de l'entrebâillement. « Pardon, mon cousin, j'aurais désiré de l'eau. Voudriez-vous prier la servante de m'en monter une cruche ?»« Je vais moi-même vous en chercher à la pompe, » balbutia Germain, légèrement troublé. Il s'éloigna d'un pas rapide. 5 minutes s'écoulèrent. Le vigoureux chasseur reparut portant un énorme broc de grès tout ruisselant d'eau fraîche. Il gratta de nouveau contre la cloison. « Voici le broc plein d'eau, ma cousine. »« Bien, mon cousin. Ayez la bonté de le poser près de la porte. » Il obéit et s'éloigna. Mais arrivé sur la première marche de l'escalier, il s'arrêta et se retourna curieusement. La porte s'était rouverte à demi, un bras nu en sortit, un joli bras blanc et potelé avec un petit signe noir au-dessus du coude s'empara du broc, tandis qu'une voix rieuse répétait « Merci, mon cousin !» Ce fut tout. Et pendant le reste de la journée, sous les branches tombantes des grands hêtres de Rambercourt, Germain eut de notables distractions. Tout en foulant la mousse des sentiers, il revit, non sans émotion, le spectacle affriolant de cette blanche figure aux cheveux moutonnants, de ses beaux yeux pleins de sourires et de ce bras nu, avec le petit signe noir au-dessus du coude.